Radio Gémozo, je suis Lia, je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans l'odeur du son, émission dont tu commences quand même à connaître le programme, que je vais me faire un plaisir tout de même de te rappeler. Alors des infos locales, des disques chouchou, mais pas choisis au hasard aujourd'hui, car voici l'essentiel, mon invité du jour, Jackie Quinstan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment ça va? Très bien, avec ce soleil-là, c'est magnifique. C'est vrai, on a beaucoup de chance, enfin l'été. Enfin l'été, enfin, et surtout, l'été. Enfin le retour des festivals. Eh oui, quelle perche magnifique, on parle ensemble eh bien, des Pluralies de Luxeuil-les-Bains, dont tu es eh bien, le directeur. Voilà. Alors, la 20e édition des Pluralies de Luxeuil-les-Bains aura bien lieu cette année, du mercredi 21 au samedi 24 juillet. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors, je me mets de suite un peu les pieds dans le plat. Je fais allusion, bien sûr, à cette crise sanitaire et à l'état de santé et de conditions de vie, si je puis m'exprimer ainsi, du monde culturel en ce moment. Cette 20e édition, elle va être différente, du coup, j'imagine. Elle va être différente, mais elle va être quelque part plus facile à organiser que la 19e. Pardon, la 19e. Oui. On avait appris la pandémie en pleine conférence de presse. Nous, on avait fait notre conférence de presse début mars. Oui. Et le 17 mars, tout s'arrêtait. Donc, on a refait une deuxième conférence de presse au mois de mai, qui a complètement modifié le programme. Bien évidemment, il était complètement impossible d'accueillir Vanessa Paradis dans le cloître de l'abbaye de Luxeuil-les-Bains. Donc là, bien évidemment, on savait, lorsqu'on faisait cette 20e édition, c'est-à-dire en janvier, février, qu'on serait pas dans une situation comme en 2019. Et donc, on a adapté la proposition artistique aux conditions de contraintes sanitaires. Par exemple, on sera sur des concerts assis et uniquement assis, oui, dans des jauges inférieures à 1000 places, 1000 oui, personnes, oui, donc pas besoin de passe sanitaire. Ah, ça c'est bien. Pour l'auberge, on sera bien évidemment encore là une fois entièrement assis avec un nouveau lieu, le jardin de l'abbaye, qui et est oui, beaucoup, beaucoup plus grand que la cour d'honneur de l'abbaye. Donc on pourra mettre des distances respectables, préfectorales, des distances qui feront qu'on pourra accueillir 500 personnes dans cette configuration-là pour nos auberges gratuites. Donc voilà, quelque part, ayant un peu les données du problème, l'organisation de cette 20e édition a été beaucoup, beaucoup plus simple que l'organisation de la 19e édition. D'accord. Alors, comment elle s'est préparée quand même, cette édition? Est-ce que vous avez attendu un petit peu le dernier moment pour savoir comment aller se préparer tout ça? Les places assises, c'était quasiment acquis dès le mois de janvier, février. Ça, c'est quelque chose sur lequel, donc, il y a des artistes, encore une fois, comme Vanessa Paradis, bien évidemment, qui n'a d'intérêt que si on peut avoir une jauge de 2000-2500 spectateurs. Oui. Ça n'avait pas de sens, hein. On avait, dans un premier temps, pensé que l'édition avortée de 2020 pourrait avoir lieu en 2021 avec Marc Lavoine et Vanessa Paradis. Très, très vite, on s'est rendu compte que les conditions sanitaires ne le permettraient pas. Donc, on est parti sur d'autres artistes et on était juste au début, en janvier, février, en train d'écouter HK et son danser encore. Oui. Donc, très, très vite, le choix s'est porté sur lui. Ah, ben voilà. Il y a quand même de très beaux noms au sein de ce festival. Comme à chaque année, hein, en fait. Hein, il y a toujours de belles têtes d'affiche, on peut dire. Nous, on est très, très fiers de cette 20e édition. D'abord parce que c'est la 20e et que, quelque part, symboliquement, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. D'ailleurs, on va faire une commémoration pour ce 20e anniversaire. Et oui, c'est vrai que on peut pas faire ce que l'on veut à cause de la condition sanitaire, mais ce qu'on va le faire, on va le faire avec enthousiasme, avec foi, avec désir aussi de revivre un peu comme le plus proche possible de ce qu'on vivait en 2017, 2018, 2019. On sait qu'on va pas encore pouvoir le faire cette année, mais on sait qu'on est mieux qu'en 2020. Voilà, c'est le principal. On va pouvoir profiter tout de même de enfin ces concerts, du bien-être que la musique nous propose, et pas que la musique d'ailleurs. Il y a plein de choses différentes à travers ce festival. On va en parler tout au long de cette émission. Alors, le festival a été créé à l'initiative de la ville de Luxeuil-les-Bains et se nommait d'ailleurs les Éclectiques de Luxeuil-les-Bains à la base. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu, avant de se lancer dans le vif du sujet, l'histoire de ce festival et dans quel but il a vu le jour? Avec grand plaisir. J'étais à ce moment-là animateur bénévole d'une troupe de théâtre sur Luxeuil, et chaque été on montait des gradins pour que, bien évidemment, les spectacles puissent avoir lieu. Alors chaque année ça prenait un peu plus de place, on montait de plus en plus de gradins, de plus en plus de projecteurs, de plus en plus de scènes, et le maire de l'époque, Michel Gabillot, m'avait dit: mais si vous faites ça, est-ce que vous pourriez pas imaginer un festival autour de vos représentations, puisqu'il y a toute une infrastructure qui existe. On rappelle juste là qu'on montait prioritairement, et ce qui reste d'actualité, dans le cloître de l'abbaye, c'est-à-dire ce cloître dont les révolutionnaires de 1792 ont abattu un mur et qui devient donc un formidable espace théâtral. Et donc j'ai dit à Michel Gabillot, maire de Luxeuil en 2001, mais avec grand plaisir, je veux bien évidemment réfléchir sur une organisation. Et en 2002, voilà, je suis arrivé avec une équipe, avec un budget, avec une programmation, et ça a été la première édition, comme vous rappeliez avec justesse, les Éclectiques de Luxeuil-les-Bains, oui. Qui pour une vague raison de droit a dû être déprogrammé. Le nom nous a été sommé de quitter, et dès 2003 on a appelé ça les Éclectiques de Luxeuil-les-Bains, et pour pas être pris une deuxième fois, on a déposé ce nom là donc maintenant il nous appartient, les personne voilà. Ne pourra dire que les pluralis, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ouf. Alors, convivialité, éclectisme, architecture à travers ces plusieurs lieux, ce sont les principaux mots, les thèmes forts, ouais, de ce festival. Depuis le début, vous avez raison, depuis le début, c'est-à-dire que nous on pense, peut-être que certains d'entre vous le savent, moi je suis directeur d'une structure hivernale qui fait une proposition de spectacle à Épinal, qui s'appelle Seine-Vosges, entre septembre et mai. Et la proposition, elle n'est pas exactement la même quand on est en juillet, d'abord parce qu'on se réapproprie différemment la ville. Cette ville-là... qui plus est, Luxeuil, qui est une ville absolument magnifique, avec un patrimoine architectural autour de l'abbaye remarquable. On vient de parler du cloître, mais l'abbaye elle-même, le jardin, la cour intérieure de l'abbaye, tout ça, ce sont des espaces scéniques absolument divins. Et donc, il s'agit bien évidemment de se réapproprier ces espaces-là. Et puis, parce que comme on est au cœur de l'été, qu'on a la possibilité de sortir, de rencontrer différemment, c'est vrai que la convivialité, et en particulier l'auberge qu'on a chaque soir à 19h, et oui, des auberges musicale gratuite, ça c'est des choses qu'on a gardées depuis le début. On a bougé beaucoup de choses, y compris les lieux de l'auberge, hein, depuis 2002. Mais les rendez-vous musicaux à 19h où on peut prendre un verre, on peut se restaurer avec de la restauration un peu sophistiquée ou de la restauration légère, rapide, toute cette possibilité-là, elle existe depuis 2002. Et je crois que s'il y a quelques marques de fabrique des pluralis, celle-ci en fait indiscutablement partie. Super. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le jardin de l'abbaye qui sera pour la première fois le lieu de l'auberge cette année, avec des rencontres, de la convivialité, comme on vient d'en parler, des spectacles gratuits chaque soir à 19h. Il faut quand même le préciser, parce que c'est pas tous les festivals qui proposent ça. Oui, et puis comme les pluralis, ça vient de pluridisciplinarité, le pluriel. Ça sera aussi des auberges musicales différentes chaque soir, hein, ce qui fait que, bien évidemment, on peut avoir un groupe musical préféré. Mais par exemple, entre Mélismel, la chanson française qui sera au début, et le lendemain, le jeudi 22, du jazz, on est sur des propositions musicales complètement différentes. Et on enchaînera comme ça toute la semaine sur des propositions musicales, parce que ce qui nous semble, surtout quand c'est gratuit, on doit avoir l'audace d'aller découvrir quelque chose qui nous sort un petit peu de ce qu'on écoute, de notre monde traditionnel. Et c'est vrai que ce principe-là, si on le perdure depuis 2002, c'est aussi parce qu'il plaît depuis 2002. Mais oui, c'est sûr, j'imagine. Alors, au sein de ce festival, il y a des musiciens, mais pas que. Le spectacle vivant a toute sa place, hein. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite après mes premiers disques chouchou, forcément en rapport avec cette programmation des pluralis de Luxeuil-les-Bains, qui se tiendront, tu l'as bien compris, auditeur, pour cette 20e édition du 21 au 24 juillet. J'ai choisi d'aller au bord de la mer avec Michel Jonas. Et puis, pourquoi pas bien danser avec HK. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. On allait au bord de la mer.

impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sourire notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. On était dans l'ambiance avec HK pour danser encore, ambiance live là. Du coup, je me suis dit que c'était la bonne occasion de la passer. C'est une, voilà, un premier aperçu de ce qu'on pourra entendre et de l'atmosphère qu'il dégage quand même, hein, sur scène. C'est incroyable. En ouverture des pluralis, hein, pour, je ne veux pas être l'inverse de ce que tu as proposé, mais oui, c'est vrai que l'ordre chronologique, c'est HK le oui, mercredi, okay, et puis Michel Jonas le jeudi. Voilà, merci pour cette précision. Tu as très bien fait. Alors, je passe une petite info locale. En partenariat avec la mairie de Saint-Nabor, la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales vous propose un double concert pour la fête de la musique 2021 qui se déroulera le samedi 19 juin, place de la gare à Saint-Nabor, à partir de 18h. Pour cette édition, Dom Ferrer et Jack Simard se partageront l'affiche. Place assise uniquement, bien entendu, et sur réservation au 03 29 22 50 01. Voilà, aujourd'hui, on parle culture. Et ça nous fait bien plaisir. Je suis toujours donc forcément bien accompagnée de Jackie Castan. Et on discutait précédemment eh bien, de la pluridisciplinarité. Waouh, j'ai réussi à le dire, de ce festival, les pluralis de Luxeuil-les-Bains. Je pense entre autres eh bien, à du spectacle vivant comme à des hauts et des bas. Hein, des hauts et des bas, qui se tiendra le vendredi 23 juillet à 21h30 dans le cloître de l'abbaye de Luxeuil-les-Bains, c'est bien ça? Donc, ça sera le 23 juillet, mais ça voilà, commence presque dans deux jours. Hein, c'est-à-dire que mercredi, des hauts et des bas, la compagnie oui, temporaire va faire une proposition, une petite forme de 20 minutes de des hauts et des bas pour présenter le projet à Luxeuil-les-Bains. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est à 17h. Et ce qui sera proposé là, c'est la rencontre avec toute une série de personnes, à partir de 12 ans, on va dire, des enfants, des jeunes, des adolescents, des adultes, qui voudraient faire un travail autour du hip-hop, mais pas que, autour de la musique, autour du graphisme, autour du street art, pour faire la première partie de Des Hauts et Des Bas. Comme tu le rappelais, Des Hauts et Des Bas, le spectacle professionnel coproduit par Scène Vosges, va être présenté le vendredi 23 juillet à 21h30 dans le cloître. Et pendant 10 à 15 jours, un certain nombre de personnes, avant le 23 juillet, vont répéter pour travailler une petite forme qui sera donc présentée en première partie de ce spectacle-là. Et pour constituer les gens qui vont travailler avec la compagnie temporaire, eh bien, le rendez-vous est à partir de mercredi à Luxeuil. Super, à 17h sur l'esplanade Simone Veil, en face de la maison du citoyen. Voilà. Donc cette compagnie, eh bien, elle est aussi présente, je fais une petite aparté là, elle présente un spectacle demain. Déjà. Demain. Oui. Puisque le premier spectacle avait été présenté le 11 mai. Le 11 mai, c'était avant l'ouverture au public. Donc, il y avait qu'un public professionnel. Et oui. Je sais que tu y étais, Lia. Et oui. Et donc, c'est vrai que on s'est dit, c'est vraiment dommage que ce public qui avait pris sa place en nombre ne puisse pas le voir. Donc, on a proposé de représenter ce spectacle demain, tu as raison, à 14h pour les scolaires et à 20h30. Et comme on ne savait pas trop en termes de jauge ce qui serait possible, on s'est déplacé du théâtre municipal de 300 places au théâtre de la Rotronde, oui, de 850 places. Et donc là, on pourra accueillir absolument tout le monde dans les conditions sanitaires, dans les distanciations sociales nécessaires. Et donc, c'est demain soir que, pour la première fois, Des Hauts et Des Bas va être présenté au vrai public, c'est-à-dire pas comme toi et moi, il y a un public professionnel, le public qui nous écoute actuellement. Super, tu peux nous en dire quelques mots de cette création ? Oui, ce sont deux jeunes, l'un est originaire de la région d'ici, hein, d'Épinal, Kevin Brio, l'autre, Aladin, est originaire de la région de Verdun, avec mon collègue de Transversal, le directeur de la scène du théâtre de Verdun, on s'est dit que ces deux jeunes avaient beaucoup, beaucoup de talent. Surtout que depuis 5-6 ans, ils travaillaient ensemble à un projet de spectacle. Et comment on peut dire, ils sont énormément doués sur scène, peut-être beaucoup moins en dehors. Donc il a fallu beaucoup les accompagner, mais oui. C'est vraiment de notre rôle à Didier Patard, le directeur de Verdun, et à moi-même, que d'aider cette jeune, très jeune compagnie à se structurer et à monter les formes administratives, les formes pour aller aussi chercher les financements et les subventions. Et ce qu'ils nous racontent, c'est toute leur vie par l'intermédiaire de la danse hip-hop. Comment, à un moment donné, bien évidemment, issus plutôt de quartiers, on va dire particuliers, de Verdun ou d'Épinal, ils ont eu une extrême difficulté à avoir une reconnaissance. Et donc, ils ont dansé, beaucoup dansé, un petit peu partout, jusqu'à ce que des personnes comme Didier à Verdun ou moi-même à Épinal, on les repère et on leur donne un certain nombre d'ateliers à animer. Ils en animaient d'ailleurs beaucoup, beaucoup à côté de ça. Et donc, ils ont décidé de faire leur création. Des hauts et des bas, ce n'est pas très visible à l'antenne, mais des hauts, tout le monde sait l'écrire. Et des bas, c'est le débat, D-E-B-A-T, en un seul mot. Et c'est ça. Ce sont ces jeunes-là disent en gros, si vous avez la foi, si vous avez le talent, si vous avez le désir, bien évidemment que la société peut vous faire une place par rapport à ça et peut accepter votre particularité. C'est un message extrêmement positif qu'on a beaucoup, beaucoup de plaisir, nous, à véhiculer. Demain soir à Seine-Vosges, le 23 juillet, au Pluralie à Luxeuil-les-Bains. Ah, super. Voilà, la culture par tous et pour tous. Et ça, c'est beau. Voilà. Du coup, je rebondis aussi sur le fait que les pluralistes sont inscrits dans la proposition du PASS. Culture, une bonne nouvelle pour les jeunes qui sont dans l'année de leurs 18 ans et qui peuvent, grâce à cette application, bénéficier de 300 euros pour découvrir la culture près de chez eux. Ça se passe sur passe.culture.fr et pourquoi pas en profiter pour découvrir la programmation. Faites-le, tous les jeunes de 18 ans, il faut qu'absolument. Nous, c'est inscrit dans une proposition qui existait, qui s'appelait la proposition Duo. C'est-à-dire, le jeune de 18 ans, bien sûr, il crédite son compte de 300 euros, mais il peut inviter quelqu'un qui n'a pas du tout 18 ans. Et bien évidemment, c'est entièrement gratuit pour ces deux personnes. C'est pour découvrir la culture sans risque financier. Lorsqu'on entre dans l'âge de la majorité, absolument indispensable, tous les jeunes de 18 ans, téléchargez absolument cette application. Ben voilà, super. Merci, Jackie. Alors, j'ai eu envie, auditeur, de te faire découvrir tout à l'heure, ou de redécouvrir sûrement HK. Il sera donc présent au sein des Pluralis. Ça se passera le mercredi 21, comme tu nous l'as dit, Jackie. Juste avant HK, dans cette soirée du mercredi, on pourra retrouver en spectacle gratuit à 19h Mélisse Mel, c'est ça ? Mélisse Mel, qui est une artiste absolument fabuleuse, qui n'a pas été gâtée par la vie, hein, c'est-à-dire que, alors qu'elle était extrêmement en potentiel pour devenir une grande artiste, elle a été doublement frappée, et là, elle revient, elle repart, elle repasse par la musique et les arts, et je crois qu'on va découvrir bien évidemment tout son talent additionné peut-être d'une personne qui a malheureusement dû subir un certain nombre de choses difficiles dans la vie. Et je crois que ça va donner quelque chose d'humainement absolument magique et merveilleux. Nous, on l'accueillera dans le jardin de l'abbaye à 19h en ouverture des Pluralis le 21 juillet. Mais super. Du coup, moi, j'ai eu envie qu'on écoute l'un de ses titres. Ah, merci, Lia. Merci beaucoup. J'ai choisi « Je me souviens ». C'est très fort. Ouais. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai perdu mon sourire qui pendait pour un rien. Y a même plus de plaisir à partager mon sein. J'ai vendu ma souffrance, j'ai perdu mon amour, j'ai pleuré mon errance à te chercher toujours dans mes nuits froides. J'attends que tu m'appelles enfin, que tes bras trouvent le temps de courir vers les miens, à combler tes absences, à briser les falaises, à t'aimer en silence sur ma lune. Je me souviens, maman, des rêves qu'on avait. Je me souviens des temps où nous marchions ensemble. J'avais jeter mes souvenirs dans tous les vies d'ordures, balayer mon exil pour me pendre à vos murs, pour retrouver la paix des oubliés, celle qu'on ne cherche plus, qu'on efface d'un trait. J'ai marché trop longtemps à user mes codasses, à essuyer. sur les ondes de Radio Guémozo. Oula, c'était la séquence émotion. Ouais, hein, magnifique, merci beaucoup Lia. Ah oui, des frissons partout. Comment tu l'as rencontré cet artiste? Je l'avais programmée à Sennevaux il y a 5-6 ans, quand elle était en pleine évolution et j'avais senti une personnalité absolument magique et merveilleuse qu'on retrouve sens dans sa voix. C'est une voix d'une personne qui a vécu, y compris des choses pas forcément très très très simples. Et voilà, c'est une personne que je pensais retrouver plutôt dans des sphères beaucoup plus importantes et malheureusement, voilà, fracassée un peu par la vie. Elle a perdu un peu contact avec la création artistique. Elle revient et je suis sûr qu'elle va faire quelque chose d'absolument divin à l'ouverture des Pluralies. Super, en spectacle gratuit à 19h le mercredi 21 à Luxol pour cette première soirée, comme tu nous l'as dit. Alors, comment ça se passe pour assister à ces concerts? On réserve, il y a plusieurs moyens? Oui, bien sûr. Pour les concerts payants, on va sur le site des Pluralies et puis là, on peut réserver ses places ou à partir de samedi, si on veut être directement en contact avec nous, parce qu'à un moment donné, passer par un ordinateur, en termes de Covid, c'est peut-être absolument magique, mais en termes d'humanité, c'est pas génial, génial. C'est sûr. Donc, la billetterie physique des Pluralies ouvre samedi prochain au 19 rue Victor Genoux, tous les samedis dans un premier temps de 9h à 13h. Et là, en plus, on pourra avoir accès à des places qu'on n'a pas accès par Internet, comme par exemple les places abonnées avec des tarifs de réduction très intéressants. Et on est abonné à partir de 3 spectacles payants achetés en même temps. Ou sur Internet, ou directement donc au bureau des Pluralies à partir de samedi. Super. Pour les spectacles gratuits, est-ce qu'il faut quand même notifier sa présence? Non, parce que l'espace est suffisamment grand, c'est-à-dire que les 500 places gratuites qu'on propose chaque soir ne posent pas de problème par rapport à la jauge. Donc voilà, on se présente à partir de 19h dans la cour d'honneur de l'abbaye et on est guidé jusqu'au jardin de l'abbaye. C'est un endroit absolument magique à découvrir. Oui. On connaît en général la cour intérieure de l'abbaye, on ne connaît pas forcément le jardin. Venez-y. Encore une fois, c'est des propositions, comme tu l'as dit, gratuites. Ah, super. Est-ce qu'il sera possible de manger, de se restaurer sur place quand bien même? Bien sûr, bien sûr. Chaque soir, il est possible d'avoir une restauration un peu sophistiquée parce que c'est la fête de sortir. Donc voilà, on a un cuisinier qui fait des propositions chaque soir. Et puis peut-être parce que aussi les moyens financiers sont peut-être un petit peu contraints. Donc il y a une possibilité de restauration très, très légère à partir. Enfin, les prix sont très légers. Et donc c'est la restauration qui est proposée chaque soir, des boissons chaque soir. Voilà, on a envie, bien évidemment, de se retrouver autour, on va le dire comme ça, d'une bonne bière et de la bonne musique. C'est quelque chose qui nous a un peu manqué depuis quelques temps. Beaucoup, beaucoup. Il y a eu des nouveautés d'ailleurs par rapport à cette proposition de restauration. Oui, on va. T'as raison. C'est vrai qu'on a souhaité. C'est la réflexion qu'on a menée de se dire qu'est-ce qu'on pourrait modifier. Alors bien évidemment, on est très très écolo. Hein, on pense que ce système de ce monde va mal s'il continue d'aller dans cette direction-là. Donc on a supprimé tout ce qui était jetable, tout ce qui était vaisselle. Fait à partir de plastique et on a un stock absolument génial de vaisselle complètement dépareillée, mais en plus c'est beaucoup plus agréable de manger dans une vaisselle en dur que dans une vaisselle bien évidemment jetable. Alors peut-être que la personne qui sera à côté de nous n'aura pas les mêmes motifs sur son assiette, mais quelque part ça va participer à l'ambiance du festival. Ça c'est le premier point. On mettra en place un barbecue où chacun pourra faire venir cuire sa viande. Voilà. Ils achètent de la viande, des saucisses crues, et chacun vient la cuire, et vivre cette expérience-là. On pense qu'autour du barbecue, il peut commencer à se créer des histoires, de rencontrer d'autres personnes. Alors, toujours pareil, bien évidemment, en respectant les distances, mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de mettre en place, parce que cette auberge, comme on le disait en début d'émission, c'est une auberge qui existe depuis 20 ans, mais qui se modifie et qui s'adapte un petit peu à notre monde. Et un monde plus écolo, c'est un monde dans lequel on vivra tous mieux. Ah ben voilà, c'est chouette. Mais c'est pas la fin de cette émission, j'avais envie de laisser cette dernière phrase en dernier mot, mais non, je ne le ferai pas parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on l'a écouté, Michel Genas, il sera présent pour la soirée du jeudi 22 juillet au Cloître à 21h30. Mais il y aura des choses, des propositions avant cette fin de soirée. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver avant? Vladimir Torres Trio, c'est un trio de jazz qui nous vient par le centre régional Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être que la musique qui va le mieux avec l'été, avec l'extérieur, avec le patrimoine architectural, c'est le jazz. Ah oui. Probablement que toutes les musiques vont bien, mais s'il y avait un petit truc comme ça, un petit plus, peut-être que ça serait en direction du jazz. On en propose quasiment chaque année une, et là c'est Vladimir Torres qui viendra avec son trio. Et puis sur Michel Jonas, juste un mot, c'est de dire que cette proposition musicale, elle m'intéresse beaucoup, c'est proposition piano-voix. Ah. C'est vrai que la veille, Kadour, HK sera entouré de 7 musiciens. Donc là, on sera sur une proposition musicale très large. Très riche, oui. Et donc là, proposition piano-voix, c'est probablement là où on est le plus proche de la chanson française, c'est-à-dire que la juste rencontre entre une musique, la mélodie, bien évidemment, tu as eu la justesse de reproposer Les Vacances au bord de la mer tout à l'heure, cette mélodie absolument divine, on la réécoutera puisque Michel Jonas viendra bien évidemment avec ses nouveaux titres et bien évidemment avec ses histoires mythiques comme celle de Au bord de la mer. Et donc, piano-voix, c'est la juste rencontre entre les paroles. Il nous faut entendre les paroles, ces paroles de Super Nana, par exemple. C'est bien évidemment des choses qu'on veut écouter. Et puis, bien évidemment, ces mélodies. Donc ça, c'est piano-voix. C'est presque la proposition musicale que je préfère pour Michel Jonas. Oh, ça c'est vrai que c'est beau, hein, en acoustique, comme ça, c'est magnifique. À 16h30, il y aura aussi un spectacle. Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on fait cette proposition. Oui. C'est dans les nouveautés. On avait créé ça en 2019. On n'a pas pu le faire en 2020, bien évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Ce sont des ateliers et des spectacles gratuits pour le jeune public. Ah, super. Entre 14h et 16h, on proposera différents ateliers pour le jeune public, c'est-à-dire à partir de 3 ans jusqu'à 15-16 ans. Il y aura des ateliers théâtre, des ateliers chansons, des ateliers cirque, des ateliers street art. Tous ces ateliers sont gratuits, bien évidemment sur inscription, parce que chaque atelier ne peut pas accueillir plus d'une quinzaine d'enfants. Oui. Et donc, ça sera des ateliers de découverte. Si votre enfant vous dit « j'ai envie de faire du street art, mais je ne sais pas comment faire », c'est vrai qu'on ne va pas lui acheter une bombe et lui dire « va taguer le centre-ville de Remiremont ou d'Épinal ou de Luxeuil ». Non, qu'il vienne à partir du jeudi 22 ou du vendredi 23 juillet, qu'il s'inscrive à nos ateliers. Et c'est vrai qu'à partir du street art, c'est plutôt à partir de 9, 10, 12 ans, jusqu'à 15, 18 ans. Et là, pendant 2 heures, il pourra faire du street art et il comprendra comment on peut peindre avec une bombe de peinture. Génial. Et de 16h à 16h30, on a une possibilité, si les gens le souhaitent, d'avoir un goûter pour les enfants. Et puis à 16h30, on proposera un spectacle gratuit. Le jeudi 22 juillet, ça sera un spectacle de théâtre, un conte musical, Matcha, qui nous sera proposé par Brigitte Sepazer. Alors Brigitte Sepazer, peut-être que vous ne la connaissez pas sous son nom, mais c'est une des cofondatrices du Cirque Plume, que beaucoup de gens connaissent. Oui. Et bien évidemment, son compagnon en plus, c'est le directeur artistique du Cirque Plume, Bernard Kudlak, qui a eu un regard artistique sur cette création. Super. Donc on peut dire que forcément, il y a un parcours par rapport à tout ça. Et on peut penser que cette proposition artistique pour le jeune public, mais également bien évidemment pour les accompagnateurs, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, sera de qualité, sera de grande qualité. Super. Et le lendemain, donc entre 14 et 16 heures, on a les mêmes ateliers de pratique artistique pour le jeune public. Et à 16h30, on aura un spectacle musical que beaucoup de Vosgiens connaissent. Et oui. Voilà, c'est Philippe Roussel qui nous proposera sa dernière création. Et oui. Et un loup habite avec nous et Philippe sera entouré, ce qu'il n'a pas eu depuis très très longtemps, d'un quatuor à cordes. Oh. Accordéoniste, ça c'est Maxime Vautier qui l'accompagne depuis très très longtemps. Et un quatuor à cordes, tu me disais Lia, ton intérêt pour le violoncelle, il y aura violoncelle, alto, violon, premier violon, deuxième violon. Donc voilà. Tu me prends par les sentiments. Voilà, je compte sur toi pour le vendredi 23 juillet à 16h30 dans la cour d'honneur de l'abbaye Saint-Colomban. Une petite touche locale du coup avec Philippe Roussel, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, il y a Kevin Brio dont on a parlé tout à l'heure, qui est un artiste local et qui donc répétera avec la dizaine, quinzaine, vingtaine d'artistes amateurs qui se décideront pour l'accompagner dès le 12-13 juillet et donc jusqu'au 23 juillet. Super. Je propose qu'on écoute un morceau de Vladimir Torres, si tu le veux bien, histoire de se mettre dans l'ambiance jazzy. voilà, qu'on ne peut pas retrouver dans une autre musique, cette ambiance. Alors, profitez-en bien. Vladimir Torres sur les ondes de Radio Guémozo. Alors, un super morceau, très agréable, très beau à écouter, mais j'imagine que ça doit être super aussi de les voir jouer sur scène quand même. Ils ont une gestuelle absolument magnifique. Et puis encore une fois, aujourd'hui on a le soleil, mais cette musique-là, elle est quand même un peu liée au soleil. C'est vrai. Allez, je glisse une petite info locale. Comme annoncé par l'État, le dispositif Colo Apprenante est reconduit pour cet été 2021. L'objectif de ce dispositif est de donner l'opportunité aux enfants et aux jeunes scolarisés des Vosges de renforcer leur apprentissage pendant leurs vacances d'été afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire tout en découvrant des activités de loisirs variées. Cette année encore, la Ligue de l'enseignement propose des séjours labellisés vacances apprenantes dans les Vosges et au bord de mer en juillet et en août prochain. Ceux-ci offriront aux participants des activités ludiques et pédagogiques dans le respect des conseils, sanitaires. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.laligue88.org. Interview sur nos ondes à venir, voilà, pour cette belle initiative. Alors, Jackie, il y a eu un appel à souvenirs pour ceux, auprès de ceux qui auraient assisté au Plurali pour confectionner des tableaux de rétrospective, il me semble. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'était dit, pour les 20 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Ben oui. On avait pensé à une grosse fête, on a bien compris que ce n'était pas le moment, une grande fête qui puisse regrouper beaucoup de personnes. Oui. Donc on est plus parti sur un tableau, une grande fresque par année d'existence depuis 2002, et on va sortir 19 fresques avec des photos, des différentes expériences que chacun a pu avoir et vivre depuis 19 ans au Plurali, depuis 2002, Alors là, on arrive un peu au bout, on avait donné jusqu'au 15 juin. Oui, c'est jusqu'à demain. Si vraiment il y a quelqu'un qui a quelque chose grâce à votre émission, grâce à ton émission, faut pas hésiter à me l'envoyer. Mais normalement, les 19 fresques vont être validées dès samedi prochain. Super. Et partir sous presse pour pouvoir être diffusées à partir de l'ouverture des Pluralis le 21 juillet. Génial. Jackie, c'est quoi ton souvenir marquant des Pluralis? Ah là là, j'en ai beaucoup, mais je recite souvent le premier soir. Donc on est début juillet 2002 et on avait décidé de faire un spectacle qui s'appelait Barouf, d'après Goldoni, d'après Barouf à Kodja de Carlo Goldoni, et il faisait un temps comme ça pendant toute la journée, comme aujourd'hui, et on s'est dit c'est super, sauf qu'à partir de 17h, 18h, il y a des petits nuages qui sont arrivés, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va dans notre lieu de repli ou est-ce qu'on joue au cloître? Et on a décidé de rester au cloître en se disant ça va bien passer, ça va le faire. Sauf qu'à 21h, on avait de plus en plus de crainte et de moins en moins de certitude que ça allait le faire. Et à 21h30, on lance quand même le spectacle, et à 21h35, 21h40, il tombe des tonnes d'eau absolument partout. Donc le cloître, heureusement, est un espace qui a permis d'accueillir tous les spectateurs et tous les comédiens. Et on s'est dit, on va quand même pas s'arrêter là pour une première, le premier spectacle de la première, premier festival. Et tout le monde est parti, et les spectateurs ont emmené dans leur voiture des comédiens, des accessoires. C'est super. Et on s'est retrouvés à l'espace Molière. On a demandé à tout le monde de patienter un peu le temps qu'on installe les lumières, qu'on installe les accessoires. Et à 23h, le spectacle a commencé. C'est un spectacle qui durait près de 2 heures. Tous les spectateurs étaient là, parce que tous les spectateurs voulaient absolument participer à cette première. Et on s'est dit, pour une première, qu'elle soit arrosée comme ça, c'est probablement un baptême. Ben oui, ça c'est sûr. Et un baptême heureux. Et je crois que oui, ça l'a révélé. Ben oui, puisque 20 ans après, on est toujours là. Super. On vous souhaite un beau temps quand même pour cette 20e édition. Alors pour la journée la soirée, non, on peut dire la journée du vendredi 23 juillet, on a déjà parlé donc de cette compagnie temporaire qui proposera des hauts et des bas, et de Philippe Roussel avec son spectacle Un loup habite avec nous. Mais il y aura autre chose, un spectacle encore comme tous les jours, gratuit. Ah oui, Doug Sulisley, qui est un self-man blues absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il fait un instrument de musique de tout sauf d'une guitare, par exemple. Alors il vient avec un jerrycan, il vient avec une grosse caisse, il vient avec... Et il a un talent absolument incroyable, et il nous sort des morceaux de blues. On en a mis un sur notre site, allez l'écouter sur plurali.net. Si vous voulez découvrir un personnage absolument incroyable qu'il faut bien évidemment écouter, c'est-à-dire qu'à la radio, là, on écoutera bien évidemment quelqu'un qui a un talent de bluesman absolument merveilleux, mais il faut le voir, absolument le voir, parce que ces instruments de musique, c'est des trucs qu'on ne voit jamais. C'est lui qui les confectionne lui-même, qu'il en compose. Incroyable. Et oui, c'est tout à fait incroyable. Et donc, il nous proposera un spectacle qui va marquer, je crois, les pluralistes. Ah, ça c'est chouette, on a hâte de voir ça. Tu nous donnes envie. Pour le samedi 24 juillet, il y a quelque chose de très surprenant pour cette soirée, avec un spectacle de cirque funambule, c'est ça ? Ouais, depuis plusieurs années, comme tu le sais peut-être, les pluralistes, c'est la juste rencontre entre la mairie de Luxeuil-les-Bains, nous aide beaucoup, et puis bien évidemment l'abbaye de Luxeuil qui nous accueille dans son cadre absolument magique. Et pour ceux qui connaissent Luxeuil, ils savent que la mairie est en face de l'abbaye. Et j'ai toujours rêvé d'un spectacle qui symboliquement réunirait les deux, et bien évidemment un spectacle de funambule s'y prêtait. Et donc, je travaille depuis plusieurs années et c'est pas facile parce que un spectacle de funambule, bien évidemment, en termes de sécurité, il faut absolument que ça soit absolument irréprochable, même en termes d'accroche. Et là, comme on est dans des vieilles pierres, ça n'a pas été possible de le faire entre la mairie et l'abbaye. Mais par contre, ça sera dans le jardin de l'abbaye, dans des conditions qui puissent permettre d'accueillir cette jeune compagnie, la compagnie Basinga, qui est une compagnie, là aussi on a mis sur notre site une vidéo de cette compagnie qui a fait une traversée au-dessus de Prague. Pour ceux qui connaissent Prague, vous savez qu'il y a cette merveilleuse rivière sur laquelle le pont Charles passe, et au-dessus, il y a un château absolument divin où Kafka, originaire de Prague, a écrit le château parce que, métaphore du cerveau, c'est quelque chose qui est extrêmement visible dans l'écriture de Kafka, la prégnance de la ville de Prague dans son écriture. Et cette compagnie Basinga a fait une traversée au-dessus de Prague pour rejoindre le château. Il y a une vidéo absolument magique sur notre site, allez la voir. Et on est très très heureux parce que cette compagnie va créer son spectacle. Elle va venir s'installer 4 jours avant. Ah oui. Chaque jour, les spectateurs pourront le voir dans le cadre, par exemple, des auberges. Si ceux qui viennent chaque soir, ils verront que le fil s'installe, se monte petit à petit. Et le dernier soir, elle va créer Ligne ouverte, qui est là aussi un spectacle absolument à partager en famille. Oui. On a toujours des spectacles à partager en famille, mais celui-ci, c'est vraiment pour le jeune public, pour le grand public, pour tout le monde, absolument tout le monde. Ça s'appelle Ligne ouverte. Il y a de la musique et il y a surtout cet art incroyable, moi qui me sidère, qui est l'art du funambule. Oui, c'est vrai que c'est très, très... J'ai perdu le mot. C'est magique. C'est magique, merci. Voilà, on va dire comme ça. Alors, au début de cette soirée, à 19h, sur cette soirée du samedi 24 juillet, il y aura de la musique, de l'acoustique énervée. Ouais, c'est comme ça qu'ils aiment se présenter. Mais parce que si à un moment donné, tu passes l'un de ces morceaux, tu vas sur notre site écouter de notre morceau. Nous, on appelle ça de la world music, mais c'est vrai que la jeune fille avec son violon, elle le fait vraiment quelque chose d'absolument divin, très irlandais, je crois, dans les résonances musicales. Et là, c'est vrai que son archer, il vole. Elle doit être très, très, très énervée pour le voler avec autant de talent que ça. Alors, de qui s'agit-il ? C'est le Grumpy O'Ship. C'est un groupe composé de 2 musiciens, Lu et Boss. Et donc, ce sont des gens qu'on aura en terminaison de cette proposition d'auberge musicale le samedi 24 juillet à 19h dans le jardin de l'abbaye. Une très belle programmation sur tous ces jours, on l'a vu. Beaucoup d'éclectisme et puis surtout des spectacles à partager et des spectacles pour tous, pour tous les membres de la famille. C'est parce qu'au moment des vacances, on est probablement dans une cellule familiale où on a plus de temps d'être à l'écoute de ses enfants, de ses parents, de ses amis. Oui. Donc voilà, venez partager tout ça, ces moments-là, à l'intérieur des pluralis. On a le temps de prendre le temps, et ça fait du bien. On peut faire un petit tour sur l'affiche, parce que je la trouve très très jolie. Merci, parce que c'est vrai que Delphine Aubry, notre graphiste depuis très très longtemps, on a parlé de HK, HK a une formidable chanson qui s'appelle « Rallumeur d'étoiles ». Eh oui. Et ce rallumeur d'étoiles, Delphine l'a pris comme... allez voir sur notre site cette affiche. Et ça va de HK à Basinga, ça va des rallumeurs d'étoiles à la funambule. Et donc, notre affiche de Delphine, l'affiche de Delphine Audebry, va du mercredi au samedi. Et notre personnage, notre funambule, et avec ses étoiles, ses rallumeurs d'étoiles de HK. C'est super. Alors, pour le site, c'est www.plurali.net. Voilà, si certains d'entre vous veulent aller voir toutes ces vidéos qui s'y trouvent, et puis surtout toute la programmation et voilà, toutes les infos essentielles pour accéder et profiter de ce festival. Alors, les Pluralis de Luxeuil-les-Bains accueillent chaque année des bénévoles. Ah oui, très important. Oui. Alors, cette année aussi. Oui, il y a une quarantaine de bénévoles qui rendent possible le festival. C'est-à-dire, sans eux, ça ne serait pas possible. Et merci de le rappeler, parce que pour être bénévole, c'est à partir de 16 ans, avec d'accord. un accord parental entre 16 ans et 18 ans, bien sûr. Et à partir de 18 ans, là, il n'y a plus d'accord à demander à ses parents. Ah ben non. Voilà. Et donc, c'est la disponibilité d'une semaine entière. On s'occupe de l'hébergement, de la nourriture. Il faut s'inscrire, bien évidemment, hein. Mais ça commence le lundi 19 à 9h, se termine le dimanche 25 juillet en milieu d'après-midi, et on fait absolument tout quand on est bénévole. On s'occupe de l'accueil artiste, on s'occupe de l'accueil des spectateurs, on s'occupe de la restauration, on s'occupe du montage technique. Voilà, les postes sont divers et variés, et donc si vous êtes un peu timide, venez avec un ami ou une amie. Les chambres sont des chambres par deux, donc c'est plus facile aussi pour nous à le gérer, et c'est une découverte absolument de l'autre côté du monde du spectacle. On a absolument accès à tout, et merci de le rappeler, parce que c'est vrai que sans ces bénévoles-là, pour nous, on ne peut pas fonctionner, et pour beaucoup, c'est une expérience extrêmement enrichissante. Ça doit être très riche, oui, à vivre. Un premier pas, peut-être, pour une future vocation. Peut-être. Là, pour l'instant, aujourd'hui, on doit être à 25 bénévoles, donc il reste de la place, et il reste une quinzaine de places, de bénévoles qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Comment on s'inscrit si jamais on a envie d'être bénévole ? Le mieux, c'est d'aller sur notre site, hein, et on donnera, quand on recherche les bénévoles, il y a une adresse mail où on envoie un petit mail pour qu'on puisse vous contacter. Super. Cette émission, elle est passée à toute vitesse. Hein. Mais grâce à toi, merci beaucoup. Non, c'est toi, je te remercie d'être venu. Alors, on voulait évoquer un petit peu la saison prochaine de Seine-Vosges. On le fera peut-être dans le cadre d'une autre émission. On peut peut-être en dire un mot ? Bien sûr, les abonnements pour la saison prochaine, les places ont commencé depuis le 1er juin, comme chaque année. Il y a 21 spectacles sur les 31 qui ont déjà été programmés, puisque à cause de la pandémie qui a touché la fin de la saison 19-20 et quasi l'intégralité de la saison 20-21, voilà, il y a quand même 10 nouveautés, mais il y a 21 spectacles qu'on a déjà programmés et qu'on retrouve donc sur notre site www.seine-vosges.com. J'imagine que toute l'équipe a hâte enfin de rencontrer cette nouvelle saison, si je puis dire. Voilà, on termine demain soir, comme tu as eu la gentillesse de le rappeler, pour la saison 20-21, et on commence par un spectacle gratuit le 7 septembre avec toute l'équipe et surtout avec tous les spectateurs. Eh ben voilà, super. Merci beaucoup, Jackie. Merci beaucoup venue. À toi. Merci bien. Est-ce qu'on a encore un dernier mot concernant les Pluralis ? Je pense qu'on a dit. On n'a peut-être pas donné le numéro de téléphone. Ah, hein. C'est aussi important de pouvoir nous joindre par le téléphone pour toutes les questions. Donc c'est le 07 69 93 55 32. Et ben voilà, on embrasse toute l'équipe des Pluralis, toute l'équipe de Seine-Vosges. Merci beaucoup, Jackie Castan, d'avoir répondu présent pour cette émission dans laquelle nous avons évoqué la 20e édition des Pluralis de Luxeuil-les-Bains, qui auront lieu du mercredi 21 au samedi 24 juillet, pour notre plus grand plaisir. Auditeur, eh bien, si tu en as envie, tu peux réécouter cette émission. Elle sera podcastée, elle sera rediffusée jeudi à midi, et podcastée sur notre page et notre profil Facebook Radio Guémozo. En attendant, je te laisse avec la suite des programmes. À 14h en direct, tu retrouveras Christ dans une nouvelle fréquence libre. En attendant, prends bien soin de toi et prends soin des autres. Allez, kiss.